un peu faim. Moi je pense que j'ai plus rien. Ah oui tiens, regarde, j'ai un 2. À quelle course sommes-nous rendus? Je t'avoue, je suis un peu perdu. As-tu le programme? Notre chevache, une chose non assise. Elle est inscrite ici. Regarde ici. De toi ça commence. Les jockeys sont en transe. C'est lequel le nôtre? Est-ce que tu ils sont sur leur élan. Donne-moi une clope, c'est trop stressant. Oh non, c'est pas vrai.